100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. C'est juste après Difool comme chaque vendredi soir. La Nocturne 100% rap français. Avec une heure à passer maintenant avec un garçon qui a sorti son projet la semaine dernière. Monsieur Abdel Alien est là. Ouais, on est là frérot. Ça va en pleine forme? Ça va et toi? Carte de visite est dans les bacs, c'est ça? Je m'apporte voilà. Pas depuis une bonne semaine maintenant. Depuis lundi, ouais. Depuis lundi. Voilà, 28 avril dans les bacs. On peut le commander aussi en digital, hein, ouais, celui qui aime bien cliquer. 10h, tout ça, c'est qu'on a phobie de sortir dehors. C'est le moment jamais de cliquer. C'est le moment jamais de prendre sur internet. Bon, est-ce que tu nous fais un petit CV express, Abdel Alien, rapidement? Ben écoute, moi je suis un rappeur de Chantelou-les-Vignes, 78. J'ai sorti déjà une mixtape il y a 2 ans qui s'appelle Compte à rebours. Et aujourd'hui j'arrive avec un album qui s'appelle Carte de visite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, allez acheter l'album et vous allez découvrir qui suis. Bon, tu as des invités dont notamment un que je connais bien, qui est à tes côtés. On est là mon ami, grosse dédicace à tout le monde, hein, comme d'habitude, tous illicites mon pote. On n'oublie personne, hein, on est venu soutenir Abdel Alien, Carte de visite. Bah toi t'es sur le projet aussi entre autres. Voilà exactement. Mais c'est une aventure que vous avez en commun depuis un petit moment tous les deux. Ouais c'est ça, on est de toute façon on est là, hein. On fait les choses bien quoi. On fait les choses bien. Là c'est parti pour une heure de son. Il y aura aussi du freestyle, gros freestyle, y a pas loupé. Voilà, ah, du freestyle. Et y a aussi hein, faut sauver JP du Tchex. Hein. Hein, on va faire monter ses followers. Là. Alors on l'attend d'une minute à l'autre, on vous présentera JP du Tchex. JP du Tchex, mon pote. Donc c'est en fait grosso modo il a lancé pareil hein, sur les réseaux sociaux JP du Tchex, mais il faut que ça explose ce soir. Faut qu'on arrive à 10 000 ce soir. On va être gentil. 1000 ça serait bien. Si on arrive à 1000 ce soir, ça serait bien. Et s'il y a plus, tant mieux. S'il y a plus, on fait péter le Mathusalem, mon pote. Bon, et en attendant, on fait péter l'album d'Abdel Alien qui est sorti le 28 avril lundi. Qui est déjà dans les packs, allez le chercher, n'hésitez pas à prendre ça sur iTunes ou sur tout ce qui existe. Voilà. Allez, coup d'envoi, c'est parti. Bim bam boum, Abdel Alien. Avec M'en sortir maintenant. M'en sortir. C'est la Nocturne, 100% rap français. DJ Sonic, Abdel Alien. J'suis là pour faire la diff, soulever la Champions League. J'sais pas si je vais m'en sortir. Le business et les smiths. J'sais pas si je vais m'en sortir. Ils sont restés comme sur bitume. Quand j'ai quitté l'école sans rancune. Ouais on veut des bitumes, pour ça j'te fais bien bitume. Où j'mets 2-3 bitures. Bon le West High, fais le four des fourrailles. La rue c'est une énigme, demande au père Fouraya. T'es pas le performante, ouais, chauffe la performance. Et après un gros casse qu'on se range. J'défonce les portes et leur mère, j'ai jeté l'encre à la mer, ouais. La vie c'est trop amer, j'm'engage pas à l'armée. Mais j'suis quand même armé, tout cerveau et à la ceinture. Dis-moi qui veut tester, Abdel Alien. J'ai le mort, promets faut pas t'es mort. Ça c'est qu'une démo. Imagine quand ça démarre. Moi j'porte le brassard, mes potes portent le bracelet. Gardez la chepée. À chaque punchline, j'te fais trembler comme Cassius Clay. C'est tu t'es élevé. Soulever la Champions League. Le rap une maladie, c'est pas si je vais m'en sortir. La tournée dans la street, le business et les smiths. C'est pas si je vais m'en sortir. Soulever la pour faire la diff. Soulever la pour faire du beat, pour représenter la vie. Toute la journée dans la street. Le business et les smiths. C'est pas si je vais m'en sortir. Faire mon temps dans la street, on veut tous faire du bif entre les balances et les smiths. Fais les choses, faut pas que tu glisses. La rue fait prendre des risques pour pas grand chose. La rue nous a rendu tactiles. Fais pas trop le show. Faire mon temps dans la street, on veut tous faire du bif entre les balances et les smiths. Fais les choses, faut pas que tu glisses. La rue fait prendre des risques pour pas grand chose. La rue nous a rendu tactiles, fais pas trop le show. J'ai fait le plat comme Philippe. En bas de la veste, le croco comme arsenic. Téléphone sur écoute, Ericsson, Sony. La France te dégoûte, fais du bif, quitte le pays. La rue c'est chaud, y'a pas de ventilo. Les petits bigraphs du pilon, les petites prennent des kilos. Veulent ressembler à Dilo. L'argent sale ça paye si t'entends pas les giros. Petit y'a que des mythos, y'a pas de gros micro. Je suis là pour faire la team, soulever la Champions League. Ne rap une maladie, je sais pas si je vais m'en sortir. Toute la journée dans la street, le business et les suites. Je sais pas si je vais m'en sortir. Je suis là pour faire la diff. Je suis là pour faire du bif. Pour représenter la mif. Toute la journée dans la street. Le business et les street. Je sais pas si je vais me sortir de là. Les épreuves sont dures comme le béton. J'ai une main sur la colombe, la deuxième sur un peupon. Comme si je pense trop aux colons, je vais hagar tous leurs fistons. Je traîne avec une équipe de malades. Dès que t'emmène en balade, j'écoute pas toutes leurs salades. Fais les choses, fais ta salade. La vie c'est bien, mais la mort c'est plus que certain. Le respect se perd, ouais, la rue c'est plus que céder. Smirnoff, ton cancer, je squatte le milieu de terrain. Sale traître, tu mériterais qu'on te casse les reins. Mais pas tourner dans mes affaires, mais pas tourner dans les rôles. Pourvu que ça pète jusqu'au comico, frérot. J'suis là pour faire la vie, soulever la Champions League, leur a plus de maladie. Je sais pas si je vais m'en sortir. La menace, la tournée dans la street, le business. Je sais pas si je vais m'en sortir. J'suis là pour faire la vie, j'suis là pour faire du bif, pour représenter la vie. Toute la journée dans la street, le business et les street rides. Je sais pas si je vais me sortir de là. J'suis là pour faire la team, soulever la Champions League. J'ai plus de maladie, j'sais pas si je vais m'en sortir. Toute la journée dans la street, le business et les suites. J'sais pas si je vais m'en sortir. J'suis là pour faire la diff, j'suis là pour faire du pif, pour représenter la vie. Toute la journée dans la street, le business et les mitrailles. J'sais pas si je vais me sortir de là. Abdel Alien, carte de visite. Et c'est belle comme à Tunis, sans tous les vins. 78, ok. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Fuis comme une racaille, meurs comme une racaille, fier d'être une racaille. Sans tous les vins. CLV TX, carte de visite. Pour tous les frères écroués de Boadar à la santé, gardez la pêche. Fais du bruit comme une bécane en plein été. Comme un pavé bien placé. Dans une voiture banalisée. Ça mixte sans mon fégard. Joue des gamos sans la high star. Règlement de compte fégard. Le quartier c'est trop danger. Ça passe les casquettes, caillasse-les. Y'a du beat, ramasse-le. C'est la semi ou le bracelet. Remercie ton braveux. Et monte en l'air, ce sale chien calé. Dédicace à RAT. Ça c'est le quartier, c'est racaille. Comme un schlef, on veut de la maille. On veut racailler, se parer en Espagne. Dans des gamos, matin Allemagne. Tête à queue avec le bitume. Coup de fusil à pompe. Pour une biture. Ambulance, point de suture. Vengeance, tape de morsure. Pilon bleu, drogue dure. Commission rogatoire, procédure. Preuve mandat, dépôt, faudra serrer la ceinture. DJ Sony. Fille comme une racaille. Racaille. JP du check. Klaxon dans les riasmas, Fefe, Lambo Panamera, Cayenne Range Rover, l'air Zoom à la caméra, descend de keuf. A l'improviste, le big traveur improvise, course poursuite, esquive. 6h du mat, c'est la perquise, quartier miné, contrôle musclé, tête à queue, voiture cramée, cocktail molotov, des capuchés et cagoulés. L'Elbi, au commissariat, demande à Alpha. Grosse casse dédiée à Keno. Tous les frères de la Russie. Tiens bon Keno, on t'attend. Ce soir que d'artifice, sirène, police, ça arrive vite. C'est l'euphorie, la folie, pierre contre flashball, bagaille contre képi. La nuit va être agitée, mais à l'abri de la famille. C'est pour mes racailles, l'air d'appeler à la santé. C'est pour les manies crouées de voilà la santé. Je suis comme une racaille, meurs comme une racaille, fier d'être une racaille. C'est pour mes racailles, j'y peux du tchex. Carte de visite, l'album de l'année. Baima, Galipette, LUC4, Kamikaze. 4 ans, 450 CRF. Ce soir c'est le rodéo, renfoue les CRS. Un verre de thé, un débardeur, full hala jusqu'à pas d'heure. Commence ta journée à 22h. Tabac, nocturne, pétage de rotule. Y'a quoi, Hemscon, ira prendre du recul. Terrain, pilon, SARL, dépôt de bilan. On veut tous péter le million. T'as tout misé sur City. Moi j'ai joué Manchester et Van Persie. Ça va trop de spilettis, faut pas te choper. Préfère les cartes jackies. On vit la nuit comme des chauves-souris. Regarde de travers, y'a rien qui nous sourit. Casse dédiée à toutes les racailles. au quartier en garde à l'hôpital. Vis comme une racaille, meurs comme une racaille. La racaille, la racaille, la racaille, la grosse casse des diamants, mon gars, 635, mon gars. On pense à toi. Smirnov. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Abdel Alien, carte de visite dans les Bacray. Alonzo J-Mills, the creator. Lagos. On accélère, y'a les gyrophares, même si c'est embouteillé. Dans le tas, sans les phares, mais est-ce le prix à payer, payer. On accélère, y'a les gyrophares, même si c'est embouteillé, payer. On fonce dans le tas sans les phares, mais est-ce le prix à payer, payer. Derrière y'a les gyros, pas le temps de cogiter, je me prends pour De Niro. Ce soir se passe au JT, 2-3 keufs cités, contrôle de police agité. Le quotidien dans nos cités, Abdel Alien, A-L-O-N. Je découvrais jusqu'à Harlem, l'instru je la démarre comme une Harley. Une, deux, trois, quatre mesures, ça a été charmé. Hey, hey, frère ici c'est Panam, flow Panamera. Casquette numéra, père de Jordan. On a la classe comme Mercedes, armé comme des mercenaires. Test tes mecs c'est dead. Ça dit comme gomme, c'est tu dis qu'à Compton. C'est ça comme un tarpé dans la sacoche. C'est comme ça qu'on s'accroche. Qu'on s'accroche, qu'on t'arrose. J'ai mis la barre haute. Va dire au major qu'il faudra augmenter le tarot. On accélère, y'a les gyrophares. Même si c'est embouteillé. On fonce dans le tas sans les phares. Mais est-ce le prix à payer, payer. On accélère, y'a les gyrophares. Même si c'est embouteillé. Carrard brolique. On fonce dans le tas sans les phares. Et le CK. Even if you're broke, you gotta pay the price. If you owe, you gon' get left if you don't make it right. My niggas grind out super hard, day to night. You a bitch, nigga, super bad, we ain't playing nice. And fuck waiting for tomorrow, we gon' play tonight. Yeah, we bout that life, don't doubt that life. God bless your soul. Mounir, stop, garde la peste, cousin. I'ma reroute your life, Lord forgive me. From Harlem to Houston with that Whitney. That sniff, white girl, Britney. Shout out to the trunk boys. You don't wanna hear that closing of the trunk noise. Nah, you gotta take chances. Fuck, ask some questions. Just go and get your answers. Sans tous les vies, 78, 570. First place with my torch, man. On accélère, y'a les gyrophares. Même si c'est embouteillé. On fonce dans le tas sans les phares. Mais est-ce le prix à payer? On accélère, y'a les gyrophares. Même si c'est embouteillé. On fonce dans le tas sans les phares. Mais est-ce le prix à payer? Enragé comme des hyènes, y'a les young money. Hey yo, what you name? Alonzo Mame. Impact de calage sur la carrosserie des Condé. Dis-moi qui nous gêne, dis-moi qui veut manger. Violent, on s'est tuite à Marseille, c'est au JT. C'est la classe moyenne, qu'est-ce que je peux y changer? À part donner de l'espoir dans mes chansons de cité. Hey yo, what you name? Alonzo Pape. Dis-moi qui veut payer le prix des tirailleurs enterrés. Tu veux faire du bif? Est-ce que tu vas assumer? Tu veux prendre le mic, frérot, faudra assurer. L'instru, je l'assurine. Braima! Avec le sourire, je m'en fous de leur satire. Attends-moi de ce que ça dit, frère, ici ça tire. Le jour comme la nuit, c'est le prix à payer si tu payes pas. Grosse dédicace à mon gars sur Dilemme, mon gars. Y'a les gyrophares, même si c'est embouteillé. Toute la ville, on place du pas les alentours. La CVL, l'autre côté. Ok, ok. Toute la ville, frère, chante tous les vignes, carte de visite. Va tu ta ville, va chercher la famille. Abdel Alien. Y'a les gyrophares, même si c'est embouteillé. On fonce dans le tas sans les phares. Lèche du neuf, Kouassi, LIM, tout s'illicite. On accélère, y'a les gyrophares, même si c'est embouteillé. On fonce dans le tas sans les phares. Mais est-ce le prix à payer? C'est la nocturne et au contrôle Abdel Alien. Avec le projet qui est dans les bacs, on écoute un morceau, le prêt à payer à l'instant, Abdel Alien. Ouais, frère, ouais, c'était Alonzo, le prêt à payer avec Alonzo et James Young Money. Ouais. C'était le premier extrait de l'album. Il y a quelques featuring hein, sur l'album. Il y a Jimmy Sissoko. Ouais, voilà. Il y a L.I.M., il y a Poka. Et il y a le fameux JP du TX qui voilà, est en recherche de followers, quoi, ce soir. Voilà. Hein ouais. Ce soir, il cherche des followers. Voilà, ce soir. Voilà. On va organiser un concours. Faut que JP du TX ait le maximum de followers. Le voilà. TXton, quoi. Ah, JP du TXton. Un des anciens followers. Et attention, Fred, si tu le retweets pas, c'est pas bon. C'est fini, viens me chercher. Il faut le retweeter. Il va être fâché. Sinon, il va être fâché, il va venir me chercher. Oui. Allez, faites péter là, au moins qu'on arrive aux 1000 followers. Là, on va rigoler. Il faut quoi? Faut chercher JP du TX. JP, comment? Bah, ça s'écrit comment? Ça s'écrit JPEDUTIEKS. Voilà, tout simplement JP du TX. JP du TX. Et qu'on retrouve sur l'album d'Adèle Alien aussi. Exactement. Voilà, il est sur l'album avec notamment Kara, Jafar, JP du TX, Smirnoff et Lasco avec Redvan aussi. Grosse dédicace à eux, c'est des rappeurs de ma ville et des alentours. Et voilà, on est sur deux morceaux, boîte de concert. Et j'ai vu aussi qu'il y a un autre JP qui arrive dans le studio de l'Est du Neuf. Voilà, ouais, qui est là avec nous en ce moment. Grosse dédicace à lui. Il y a Kouassi aussi avec lui. Il y a Capitaine Kouassi aussi. On est tous un peu venus donner de la force à Abdel Alien. Hein. Donc faut soutenir, aller pécho l'album et retweeter JP du TX. Carte de visite. Pas oublier. C'est l'album qu'on peut précommander dès maintenant tout de suite. On peut cliquer pour l'avoir ou sinon. Voilà. Il est aussi en CD. Hein. Ouais, il est en CD, il est en digital et en physique. Donc selon les goûts, ben les personnes réfléchiront à comment ils vont le chercher. Et surtout, il y a des gros clips qui arrivent. Hein. Voilà. Il y a notamment un gros clip qui arrive la semaine prochaine. M'en sortir. Qui a été tourné à Marrakech. C'est un très très très très très gros clip. Et en attendant bah justement de retrouver les images, on va écouter du son, une nouvelle session de 3 morceaux maintenant d'Abdel Alien. Ok, ben bah on va aussi faire passer un son JP du TX. Ouais. Et deux sons voilà. De Violence Urbaine. Voilà. En exclu puisque ça arrive, c'est quand le prochain? Violence Urbaine, ça arrive le 19 mai dans les bacs. Donc c'est un double CD, 50 titres. On retrouve tous les rappeurs de la France. J'ai fait toutes les villes à peu près. Donc c'est le même concept que les C'est le même concept et sauf que là c'est un peu plus gros parce qu'il y a une vingtaine de clips avec. Et il y a comme je t'ai dit 50 morceaux et 30 morceaux en téléchargement légal. Et ce qui est bien c'est que tout ça c'est distribué par Sony Music. Qui sont venus nous donner de la force là-dedans quoi. Les batteries vont découvrir ça, on en reparlera dans une nocturne aussi spéciale. Voilà. Et là on est reparti, alors on repart avec quoi Abdel Alien on maintenant va avec un petit son de JP du TX. C'est dans le même label que moi, c'est la famille. Voilà. Donc, on va découvrir un peu son rap. Son rap et retweeter. Retweet JP. C'est parti. Mauvaise nouvelle voilà, pour les frères de Chanteloup. Loulou. Aïe. Pack Pro d'écurie, tous ces licites. JP du TX. Aïe. Dédicace à Vroom Vroom au Heps. Grosse dédicace à Vroom Vroom. Garde la pêche, mon pote. Aïe. JP du TX. JP du TX. C'est l'équipe qui vous baise. Ok, Pack Pro. Écoute, pas de terrain car sans ballon, t'es qu'un remplaçant. C'est le mec qui a le bras long, à croire qu'ils font 1m60. Les métisans, trouve le chétan séduisant. Je baignais dans le hip hop bien avant d'avoir mes 10 ans. Non, disons que mon silence en dit long. Pas besoin de fumer le pilon pour dire que mes problèmes s'empilent. Je t'enfile, y'a du faux, t'es prévenu. Aïe aïe aïe, au lieu de traire les vaches, va vider les couilles d'un détenu. C'est peut-être mieux, qui sait, JP du TX, tu connais. Je suis un mauvais garçon, j'ai la même tête que Wayne Rooney. Le rap, c'est de Galipette. Galipette, baisse pour X, la Noé. Pour apporter pas de contre. C'est pas la vie qui m'a fait LUCK. C'est coup dur, c'est coup dur. Aïe, Brahima. Jaffa. Les petits du TX font des Bourou mayonnaise café. Bourou mayonnaise café. Pro d'écurie, DJ Sony en platine. Doumsu. Grosse dédicace à mon frère Doumsu, mon pote. Garde la pêche, regarde. 7-8 mauvaises nouvelles. Je donne ça à la Chanteloubaise. Rubrique fait d'hiver, de l'été à l'hiver. Soldats sur le terre-terre. Vas-y, dealer pour les dealers postés à l'été vert. Mineur majeur, déféré au tribunal. Donnez-moi un briquet que je crame le code pénal. On a la haine, on monte sur Paname. Avec Hubert et Saïd comme dans le film, ça va faire mal. On est tous passés par le racket. Crois-moi si on va au parquet, c'est pas pour jouer au basket. Au star, y a des cuisiniers, le cul dans Masterchef. Chanteloup Lévin, la réputation fait de nous des chefs. Ramène tes MC que je les flingue. À leur santé on trinque. Appelle-nous les tontons flingueurs. Balle en plein cœur, c'est nous qui ressort vainqueurs. Moral vagabond, JPLS du 9. Capitaine Kouassi, yeah. Sam to Sam. Je donne ça à la Chanteloubaise. 7-8 mauvaise nouvelle. Chanteloubaise dans la place. Dans la place. A2S Nanterre. Nadine Allo Mike Papi One. Chante-Lou Lévine. Bref. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça, bram, bram. Féro, bram, bram. C'est bête de hier, bram, bram. Féro, bram, bram. Et n'oublie pas, bram, bram. Regarde, bram, bram. Même si c'était là, bram, bram. Taïra, bram, bram. Faut pas que tu prennes. Pas que prendre des curies, tous illicitrés. Sur ce morceau Abdel Alien qu'on écoute à l'instant, ou L.I.M. Ben c'est un morceau qui est extrait de Violence Urbaine Cap. Ouais, c'est ça, en fait c'est un remix qu'on a fait qui est dans Violence Urbaine Cap. Donc le titre c'est Bram Bram, ça veut dire roule roule. Donc on le connaît là, c'est Capitaine Kwasi qui est là avec nous aussi. C'est, hein. C'est big up, c'est man. C'est Capitaine Kwasi dans la place pour Violence Urbaine Cap. Bienvenue Capitaine. Yes, I. Donc big up à toute la famille Abdel Alien. Quand même, tu sais, Chantou Lévin nous présente tous les frères. Et ça, big up. Voilà quoi. Donc c'est un petit kiff, hein. Le truc, on peut vous pouvez l'écouter sur YouTube, sur la chaîne Tous Illicites TV. C'est là où on retrouve toutes mes vidéos, ouais. Tous mes trucs. Vous pouvez avoir toutes les informations sur LIM 92 officiel face de book. Captez sur Twitter aussi. J'arrive sur Vine dans pas longtemps. Hein. Donc si vous n'avez pas froid aux yeux, hein. Donc voilà. Ça va pas être triste. Voilà, on est là avec Abdel Alien. Et oubliez pas de retweeter JP du chat. Ah ouais. Ah là là là là là là. Ça monte depuis tout à l'heure. Ça monte, JP là. C'est ça monte. L'objectif de l'émission. C'est en train de monter. L'objectif, c'est sauver JP du chat. Voilà. Voilà, on part avec un extrait de vidéo sur Ben 4. Ouais, voilà, on va avec balancer. Samira et Capitaine Kwasi. Et Capitaine Kwasi, exactement. Donc c'est un dernier extrait que j'ai lancé qui s'appelle FDP, c'est-à-dire fils de pute. Donc balance et les gens ils vont écouter. Voilà. Tous les sites, on les aime, dans sur 24, 19 mai, va chercher. Du bédo, oui, je peux du tout. H24 dans la ZUM, pour remplir le frigo. On m'assoit dans le calbus. J'débarque comme un trafic stup, vol, recel, brunique, pute. Partant le bus, elle pour cap, séquestration, cap, fornication, accélération, juge, détention, braquage, extorsion, racolage, prostitution, naufrage, immigration, pactage, détention, outrage, bagasse, otage, vitard, pilotage, chauffard, ligotage, cafard, vaillantage, patard. Cook pour qui on t'est renti, Glock c'est critère, terre crédit, Blanc sur qui déterre conduit, Champlou qui vit perd tandis, Bandit, lundi, travail, business, rarity, taudis, racket, tire, ne stress, la haine, s'arrête, ça se grèche pour remplir les caisses, charge le RS, DS, HP, gros, t'aurais perdu, si tu fais ou prendre sous Yem, 10 ou tapé, on a trop Yem, balèze, vache pas ou t'as pas Yem, tout au rasoir, charge la trop, tout paroi, salade, trop, tout boulevard, balade, qui est au mouvoir, balade, l'auto, milliard, régala, tout micro, bavard, brigade, la lascar, on crade, salade, bonhomme, boy, Patrick, ça bombe, bombe, bombarde, Olivier de coffre, astro, ça pipe-fond, pépé de cash, pas clitron, t'appelles masse, t'es tête, big bang, raquette, tu casses, mais pas de con, car nombreux sont ceux qui sont partis pour les Djibouti. On a tous les ougies. Violence urbaine fou, bang bang. On a tous fait des 400 coups artisanal et nous tchako. Pour les donuts, balle sur la joue. Même les suces de joue, joue, ça joue. On restera toujours debout. Y'a que devant Dieu qu'on se met à genoux. Contrefaçon, perquisition, comparition, confrontation, déposition, arrestation, permission. Fils de pute, j'débarque en mode feu vé, lambeau Clio, vegan, ma fée, bobo, coco, tard. Me fais comme coco, copana, me rêver, colombo, choco, banane. Précarité sauvage, RSA, précarité sauvage, chez pas ça, qu'est pas ça. J'débarque en mode tubus là, la broque tubus là. Hala, émeute, peinture, brûlée, tomba, grosse bête, ordure, filet. Reculé ou tout enculé, sans jamais simuler, sans bêtis, tué. Vengeance, condo, les 11 bateaux, illicite, substance, photo, petite, grande, délinquance, moto, avritite, insolite, j'nique-nique la France. Chien de la cage, 20 dollars à la passe, crasse sur crasse, rien que ça se tabasse. Quoi que tu fasses, faut que ça ralasse. Tout en place, sans carré d'as. Fusil, un bon grenade, 9, 9, 1000 mm. Trop de verre qui tombe, ça part dans le sol, sauf on va leur mettre. Roulette, russe, soulette, sus, boulette, bus, ultra cramé, Kaira, ultra armé. Trop de mères en l'armée, y'a de quoi s'alarmer. Moi je viens du ghetto, bande de fils de pute. J'aime pas le comico et la brigade des stupes. Ici ça vend du bédo, H24 dans la zup. Pour remplir le frigo, on m'assoit dans le calbut. 100% rap français, 100% explicite lyrics. La nocturne. Boîte de conserve, Abdel Alien, Jafar. Jafar, gros. Tu parles de boîte, tu manges des boîtes de conserve. Aïe. T'es VIP, Psartec, mais tu grattes des boîtes de conserve. Tu dans le ghetto, ouais, mon frère. Rien à prouver, on fait cette vie là. Réserve. Boîte de conserve. Boîte de conserve. Tu dans le ghetto, ouais, mon frère. On fait saigner la réserve. C'est tu tournes la plaque, rentre en boîte, ça déboîte. Va dire au videur que c'est son sang que je vais boire. Casse la bouteille, baffe les meufs au ten. Démodé comme Roten. Basket, casquette, prends le micro, passe une casse-tête. Mais toi, viens dépense tes as-dettes. Soir, ce c'est la fête. Des compresses, y'a pas de casse-tête. Et ouais, je suis chaud, je rappe dans un four. Je passerai aux infos. Que pour la paye d'un joueur de foot. Calcule pas les michetonneuses, michetonneuses qui préfèrent un gamos qu'un gosse. Tête de plomb, garde la pêche, mon frère. Ouais. Demande à Jeff sa mise au blackjack. Joue à cache-cache avec le bleu dia. Roya, c'est le spell comme à Tunis, Gaza. Je lance pas de pique que des missiles t'as la NASA. Ça passe. J'ai pas temps à perdre. Eh, Jafar, dealer. Mes rebeux sont OP, mes négros sont OP. Si ça refoule à la porte, tout sera 9 mm. J'suis posé dans la street, ghetto Yulka du liquide. Ce soir, j'suis VIP. J'ai reçu ma carte de visite. Les tu kiffes le son, normal que je l'invite. L'alien vient de l'espace, donc l'hôtel est sur orbite. J'ai beat, punch like d'élite. Le M6 mort subit. J'sors du stand de tir en balle ta mère avec tes pics. Moi, j'suis ghetto, ghetto. Swag, bico, négro. J'reste paro, paro. J'baisse les tarots, tarots. J'esquive les parasites, j'laisse les gamins au berceau. Des belles missions du style, fuck ta crasseuse. Michto, j'te laisse tourner en rond. J'suis posé au carré. La bouteille fait ta taille, mais t'auras pas un revêt. J'connais toutes tes ficelles, j'les ai toutes photographiées. J'vais coffrer toutes ces chaînes comme un réseau démantelé. Tu parles de boîte, tu manges des boîtes de conserve. T'es VIP, Psartec, mais tu grattes tes places de concert. J'suis dans le ghetto, moi et mon frère. Rien à prouver, on fait saigner la réserve. Carte de visite, Abdel Alien. Boîte de conserve. Va le chercher. Boîte de conserve. Dans les bacs depuis le 28 avril. Pack prod. Et ouais, c'est comme ça, nous on aime ça. Les meufs qui se respectent, mais pas les lobes, ça j'kick ça. Avec Jafar et l'alien. Boîte de conserve, crois que t'es pas sur le bon tunnel. MC Wade. Ouvre la porte de la queue bois, il faut de la son bois. Je veux pas finir au boulot. Bois. Pas sur la même voie, même si on a les mêmes devoirs. J'espère que ta meuf te trompe pas, qu'elle vient au parloir. On tient le coup, malgré les mauvaises nouvelles. Week-end, qu'est stress, Paris, ça tour Eiffel. 18 piges et tu te sens pousser des ailes. Boîte de nuit à faire la jolie demoiselle. Où dirais-je la pétasse, que veux-tu que j'y fasse? Moi je veux juste faire ma place comme un terrain dans la ville. Comme un terrain dans la ville, moi je veux juste faire ma place comme un terrain dans la ville. Boîte de conserve, dis-moi à quoi c'est conserve. J'emmerde leur showcase, nous c'est du son à fond la caisse. Le physio, on le blesse, on dérobe la caisse. Y'a le poteau sur la piste avec le tarpé sur l'index. Tout le monde les mains en l'air, c'est les coups de feu qui ambiance. Après le chant des loups, voilà le chant des ambulances. M.A.D. Tu sais ce qui t'attend sans la musique de Star Wars, t'envoie dans les étoiles filantes. Mets-toi à l'aise, tout est gratuit, y'a tout à gratter. Les groupies sont de la partie. Wesh Doomsy, t'as tout misé sur le Louis Vuitton, l'enfiat, ça sent Gucci. Mais en vrai c'est pas ta routine. Ils sont en hesse, ils font les Qataris. Ils s'inventent une vite VIP, s'il te plaît, laisse-moi rire. Tous ces charclos me font vomir. Moi, c'est JP du Tchex, faut que les acteurs de boîte de nuit. Tu parles de boîte, tu manges des boîtes de concert. T'es VIP, bizarre, tech, mais tu grattes tes places de concert. DJ Sony au platine. Ouais, mon roi, rien à prouver. On fait saigner la réserve. Boîte de concert. Libérez la piste, veuillez vous écarter. Red Bang. Il est, je danse les bras écartés. Papilet, papilet. Curieuse, pas besoin de contracter. Les rageux nous guettent et veulent nous contacter. Boîte de conserve, le son sort du congélo. Toi tu mens tellement que tu fais croire que tu manges de l'eau. Je connais pas le physio, je fais pas la fille gros. Moi je suis rien mais en boîte je suis un 6 gros. Elle veut que je lui paye un verre. Et elle un 6 gros. Je fous la hella avec mes robes et mes 6 gros. Monte pas ton boule, on va te la mettre dans le mille. Moi j'ai pas de matu, j'ai pas de bouteille à mille. Ce soir c'est nous qu'on ferme la disco. Monte en voiture, contrôle de l'expo. Le cœur me parle, ma tête est sur la côte. Ah ça vient de chanter tout ça là. Ah appart maquis ou passe au McDrive, on craie ça avec la Noé chez Gali. Ma galaxie yeah. C'est un état de léthargie. Boycotte les deux boîtes depuis l'époque du Manapani. Les dirty savent, je me pète juste devant. J'ai trop fait dirty sens, pas que sur la fuite des champs. Je brûle les spots quand y'a trop de clichés. Je suis méfiant, fiché stupéfiant. Dans la next puis on flash comme du Evian. On se fâche, on défie en direction des clients. Chargé de bon matos au prix défiant. Toute concurrence, ça m'évite. Galipette, il est là. D'avoir des visions, pétage fusil. Moi des gars, ça problème. Et le CK, dédicace Kizo, par un moment. Si c'est frérot, fais pas la star avec des bodyguards, tu vestis. Je clôture le tout comme une bastos. Je les mets à terre comme un braco. Sale aîné, on t'a jeté du bateau. Je lance les paris, je suis au balton. Eh, Massalé, gros huc, chinois. On fait des PC, t'as discret. Pas besoin de frimer. Fais pas l'acteur, y'a personne qui est en train de filmer. Je vais tous les fumer. On les ferait enfermer, diabé, garde la pêche. Je mets tous au piqué. Nanou, yeah. Je suis avec mes rabouettes. Je me rangerai après la CSE. Je les mets à CSE. C'est qui bra bra bra bra bra. Tu parles de boîte, Cisco. Je des boîtes de concert. Gardez la tête, les frères. Ronny, un. Je suis dans le ghetto. Doumsi, vroom vroom. Rien à prouver. On fait saigner la réserve. Boîte de concert. Eliem, Abdelalien, carte de visite, Jean Surbaine. Bébé, pas de prod, tous illicites. Ah! Je suis dans le ghetto, moi et mon gros. On fait saigner la réserve à toutes les boîtes de concert. Pour mon fils, Bamba. Moi j'ai tout là, moi j'ai tout là. Reste de clochard. Si, si, beau gosse. C'est la nocturne 100% rap français avec Abdel Alien au contrôle de la nocturne. Extrait de l'album, l'album qui s'appelle Carte de visite qui est dans les bacs. Carte de visite dans les bacs, faut aller le procurer. Abdel Alien, on le soutient tous, mon pote. Faut tous être derrière lui. Et voilà, surtout que c'est un projet qu'il a fait tout seul. Ouais. T'as capté, c'est pas facile aujourd'hui de pouvoir se produire tout seul, d'être indépendant. Donc félicitations Abdel. Et c'est ce qu'on fait aussi dans la nocturne, voilà, mettre en avant des projets comme celui d'Abdel Alien. Merci à toi frère. Et, je crois que nous avons un coup de fil à passer ou nous avons quelqu'un en ligne. Voilà, on a un coup de fil à passer à Youv qui a participé à l'album sur la piste 8 qui introduit le son de L'être un frère à Jimmy Soko. Et voilà, il est actuellement en prison depuis quelques années. Et on l'a par téléphone. Voilà. Je suis là, la famille, je suis là, ça va. Ouais, frérot, ça va comme mon pote. Bienvenue, Youv. Ouais, ça va, bienvenue de là. Tranquille, on est là, mon refrain. Ça fait plaisir, la famille, ça va. Ça va, toi, mon pote, tranquille. On serait brûlé la nocturne. Attends, on a visé le 78, il est là, là. En direct et en live. En direct du S, là, mon pote. Ça va quoi frérot, tranquille? Ouais, ça va la famille, ça va. Ça va, t'as écouté le CD? Hein? Il est magnifique, hein, je l'ai reçu frère. Ouais. Les deux, la tuerie. Merci. Ça va, il a réussi à passer, c'est bon? Ouais, ouais, il est passé et tout. Merci, crème. Merci frérot. Je l'ai fait écouter, à 2-3 mecs, ils m'ont dit, ah ouf, là, le frérot, il tient la route. Merci frérot, ça fait plaisir en tout ça cas. Fait plaisir. En tout cas, t'as le salam de tout le monde. Ah ouais. Voilà, un gros big up, Youv. Gros big up, et tu checks, mon frère. Tu connais évidemment aussi Tu connais JP Dutiex? Ouais, j'en ai entendu parler. Il est parce qu'on essaye de le sauver ce soir pendant la nocturne. Il a besoin d'avoir des followers. Il a besoin d'avoir des followers. Il est en manque de followers. Sur Twitter. Il est en galère. Faut le suivre. Faut le retweeter, JP Dutiex. Peut-être qu'il est en manque aussi de followers. Surtout de followers. T'es un frit, toi. Okay. En tout cas, ça fait plaisir de te voir, d'avoir eu You. Merci beaucoup, You. Merci beaucoup à toi d'avoir participé à l'album, mon pote. Voilà, et merci aussi pour le clip là qu'on a fait avec VF Gang, tout ça. Avec Saham, poto, merci beaucoup. Et You, je suppose que t'as aussi pas mal de dédicaces à passer, 2-3 petits messages. Ouais, petite dédicace en direct à Marcellule. Pour tout, déjà, tous les mecs qui me soutiennent sur Facebook, ceux qui veulent me suivre, c'est Ma Vie en Cellule. Ma page, tout le monde est là, voilà. Sinon, voilà, une dédicace à tous les mecs qui sont en prison. C'est dur, hein, la famille, pour les familles et tout. Et voilà, sinon, on est là. Et une grosse pensée, parce que je sais que c'est la nocturne est notamment suivie aussi, justement, par tous ceux qui sont détenus et tout. Donc, exactement. Une grosse dédicace à vous tous, et en particulier à toi, Youv, et merci d'avoir été avec nous ce soir dans la nocturne. Merci. Allez chercher Abdelalien, carte visite, la famille. On est ensemble, frérot. On est ensemble. Vas-y, on se tient au courant. Vas-y, courage, frérot. Youv, à l'instant qu'on retrouve d'ailleurs sur le projet, sur l'interlude. Voilà, l'interlude du son avec Jimmy Soko. Et on repart pour une session, et puis après, une petite dizaine de minutes, on attaque le live. Un gros freestyle. Voilà, c'est ça. À l'UCK. Il y a JP du Tchex, bien sûr, l'Est du Neuf. Jafar Kenkwasi, JP Mohal Vagabond. Jafar. Et il y a surtout Abdel Lalien. C'est sa nocturne. Va le chercher, carte de visite. Allez, donc là, on va partir avec juste un morceau de Capitaine Kwasi qu'il faut suivre sur Facebook. Samira aussi, qu'il faut suivre sur Facebook. Samira officiel. Donc à toute patate, allez-y. Et le morceau, c'est Personne Épice. Et voilà, allons-y, mon pote et Abdel Lalien. Avec le chant des loups. Le chant des loups. 7-8-9. Et le clip, il est disponible, le chant des loups. Allez le voir. Allez, faut péter le million, mon pote. Et surtout, n'oubliez pas de retweeter JP du Tchex. Hi. @JP du Kualim. Retweet. Brahima. DJ Sony. Comment ça, j'en dirais, voilà. Tous les frères à Boisard. DJ Sony. C'est son arcane. Fleury, Oni. La santé. La menace. Hi. Mounir. Mounir Stat. Personne n'est pisse, man. Comme les voyous, j'aime pas trop la police. Aïe, quoi si sur leur gueule je pisse, man. À l'athéisme, donc nous réussissons. Personne n'est pisse, man. Pour faire du bif, on touche au cannabis. Personne n'est pisse, man. Personne n'est pisse, man. Joue pas le kiss, man. Joue pas le kiss, man. Personne n'est pisse, man. Personne n'est pisse, man. Joue pas le kiss, man. Tout sur les suisses, man. Personne n'est pisse. Brrrr. Faut que je fasse de l'oseille. Chaque jour se battre contre le chétan. Le mec se canne et j'en perds le sommeil. Les vieilles chouettes nous surveillent. Attention. Et à ceux qui ne reverront jamais le soleil. Hey. J'en place une pour les vieux de la vieille. Ici seul le crime paye. Même pour des sentiments se réveille. Okay. Okay. C'est la même, c'est comme la veille. Seul avec mon spliff et ma bouteille, je veille. C'est nous les petits ont trop de vices. Trop de vices. Personne n'est pisse, man. Personne n'est pisse, man. Les voyous, j'aime pas trop la police. La police, man. Leur gueule, je pisse, man. Pisse, man. Théisme, donc nous réussissent. Réussissent, man. Personne n'est pisse, man. Personne n'est pisse, man. Du bif, on touche au cannabis. Cannabis. Personne n'est pisse, man. Personne n'est pisse, man. Joue pas le kiss, man. Personne n'est pisse, man. Personne n'est pisse, man. Personne n'est pisse, man. Joue pas le kiss, man. Personne n'est pisse, man. Yeah man, violence urbaine, toi même tu sais, gros son. Le 19 mai dans les bacs. Le 19 mai dans les bacs, mon pote. La lienne. Violence urbaine. Capitaine Kwasi. Duxi. 100% explicite lyrics. C'est le sang des loups. Elle est là, nos crimes. Casse des diamants vides. 78. Tous les quartiers de France. la ville, hein. 3 numéros d'écrou. Tire en l'air, feu d'artifice, allume la balistique. Décompresse, fume un stick, c'est le 7-8. 7-8, bro. Ouais, faut tous ces artis, monte le son dans ton arcos. Dis-leur bien qu'on arrive. Ça bicra mon quebla. Détail des gameplay. Fais partir la rabla. C'est pour la fumée. Là où caille. Grosse dédicace à toi, mon frère. Là où. Clan Campbell Jack D. Sois avec mes habois et les autres, laisse les acter. Bande de chiens. Comme un rital, ça ricane. Une main sur la brigade. L'autre sur un joint peu. Y'a les keufs qui décalent. Nous on n'a pas peur d'eux. Trois merco pour un gofa. Celle qui connaît peu. C'est Garde la peste, bel oeil. La menace. La souris. Garde la pêche, déclin. Toute la ville, la CVL. Les alentours, place du patron dans les verts. Galipette, la Noël, Brahima, pack, pack. Allez, tous les frérots, les 4V. Grosse casse dédiée à mon frère Smirnov. Garde la pêche, mon pote. Smirnov, taillé. Trop numéro d'écrou. 7, 8, 7, 8. 92. 7, 8, 7, 8, 7, 8. 92. 7, 8, 7, 8. DJ Sony au platine. 92. 7, 8, 7, 8, 7, 8. Grosse casse dédiée à Teddy, Nanou. Garde la pêche, les frères. Tous les frères enfermés. De Chanteloup, Bois d'Arcy, Nanterre, Fred, Beldent, Reda, Rex, Badros, tous les frérots, MAD, sauvé, tous les frérots, sauvé, JP du tchèque, retweet JP du tchèque, retweet JP du tchèque, 100% français, 100% explicite lyrics, enfermé, on nous oublie pas, hein, d'accord. Donc on y va, une grosse exclue avec Jimmy Sissoko et Abdel, voilà. Alien, un hein, carte frère. De visite dans les bacs, hein. Et surtout une petite information vite fait, vous pouvez me retrouver en concert au club Duo à Saint-Avold le samedi 10 mai. Donc venez, c'est dans l'est de la France, hein. On va foutre la merde. Et le 17 mai, je serai là avec Abdel Alien aussi. Dédicace à tout le monde. Dédicace à tous les frères écroués. Dédicace à mon grand frère AIB. Garde la pêche, yeah. Ibé. Grosse pensée à vous, mes frères. Mamadi. Mamadi, Tidjani, Ali. Wesh, wesh, le zincou. J'espère que tu tiens le coup. J'sais que t'es pas mort, mais quand même, derrière les verrous. Dans ces moments-là, le grosse casse dédiée au psy derrière la prod. Quoi dire, frère, j'espère que pour toi ça roule. J'espère que tu craques pas et que t'as le mental. Écrire ça, c'est pas si pas, c'est pas comme une carte postale. Nicolas Noël. Tu saches qu'on si, est si, la famille. Qui s'y rien à changer. C'est toujours la même, l'air de les mêmes halls. Incarcéré pour affaire de stup, tu trouves tout ça stupide. Mais bon, le mal est fait. J'te parle du bout de mon pic. C'est pas non plus la fin du monde. Un jour. tu sortiras d'ici. Et t'en fais pas pour Chaka la mif, plus. Mif. On est là la mif mif. Il te faut un tel, un peu de bif bif. Que tu t'évades et tu kiffes. Garde la peste mon frère, tu on est avec toi. Ne t'oublie pas mif, mif. Essaye de tenir. Même si ce n'est pas facile, on est là, on pense à toi. Reste fort, reste fort. Même si ton cœur veut partir. Wesh la famille, j't'appelle sur messagerie. Ça sentait le roussi. 4 jours après, écroué pour affaire de cannabis. Un peu d'aigle, vas-y, passons. Ibé, t'inquiète, tout va bien, hey. Ta famille, ta femme et ton fils tombent un peu sous le choc. J't'avoue que c'est chaud, mais fais ta prière. Ibatata, ratatata. Attends pour les regrets, oublie les six avis. Docteur, j'sais pas quoi t'écrire dans cette lettre. J'trouve pas les mots, j'trouve pas les lettres. Mais j'te soutiens, frère, c'est clair et net. Ouais je te soutiens, quoi qu'il arrive moi je te soutiens. Et écoute pas ce que la juge te dit. Ton cam, l'avocat t'étudie. Et nous dit que dans peu de temps tu peux sortir en semi. Les larmes laissent espoir au sourire. Sortir de ce trou de souris. Nos gosses, la pêche, la boule. Même si ce n'est pas facile, on est là, on pense à toi. Carte de visite, carte de déjà visite. Dans les bacs, appel à l'aide. Va chercher. Voilà maintenant 2 ans que tu es parti, ouais. Ta femme est toujours là, ton fils a grandi. Ça c'est quelques lettres qui te restent. Collé contre ces murs qui te testent. Quand vient le soir tu peines à fermer les yeux. T'imagines conjurer le sort loin de ces lieux. Combien de temps encore, oui combien de time avant de pouvoir rejoindre tes rêves. Sauvé JP. Sauvé JP. Grosse case dédiée à Sissi Prod, tous les frères de la verrière, on est ensemble les gars. Aïe, 635. La botte, ouais. J'aurais voulu pas écrire cette lettre. Mais quand le malin nous épouse, le bien s'épuise. J'espère écrire une autre page, laisser passer l'orage. On apprend de nos erreurs, jamais de nos récidives. Que Dieu nous guide avant le moment de Dexter, j'y charrie tant. Only God can judge you. La nocturne, grosse case dédiée à Jimmy Chisoko mon gars. Aïe. Keep the fire, yeah, yeah. You are my people, baby. Jimmy Chisoko all on time. Mame Nadel, Alien, Ina de Fleer. Ina de Fleer, be strong. Adnan, grosse case dédiée à toi, refrain. Life is so hard, life is so hard. Dédicace à mon petit refrain. Aaron. C'est la nocturne et c'est Abdel Alien au contrôle de la nocturne. Ouais, ouais, ouais. Avec Jimmy Sissoko à l'instant. Voilà, voilà, c'était l'être un frère. Ouais, qu'on trouve sur l'album Carte de visite. Tout à fait. Qui est dans les bacs. Et si tu veux bien maintenant, on va attaquer le live. On va commencer le freestyle. Hein. Session freestyle. Voilà. Tout le monde est prêt, tout le monde est au micro. Tout le monde est prêt. On va ouvrir le bal. C'est quand vous voulez. Ben, je voulais juste présenter les gens qui sont là. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a JP du Chex. Il y a Jafar, il y a Yuseka, Karar Brolic. Lèche du neuf, grosse grosse et bien sûr Abdel Alien et Mohal Vagabond. Mohal Vagabond et JP du Tchex. Sauvez JP du Tchex. N'oubliez pas, faut que ça pète les followers là. Carte de visite dans les bacs. Faut que ça pète à toute patate. Allez chercher carte de visite. Carte de visite. Allez c'est parti. C'est carte de visite. Pour tous ceux qui sont illicites, n'oubliez pas la carte de visite. La Noé. Aïe, aïe, carte de visite, carte de visite. Quand on prend le microphone, on est tous illicites. Carte de visite, pas de prod, on est là. Carte de visite, c'est carte de visite. Carte de visite, carte de visite. Tout le monde, carte de visite, c'est carte de visite. Tout le monde, carte de visite. Carte de visite, tout le monde, carte de visite. carte de visite. Hey, poteau suis chaud dans ma tête, c'est les Bahamas. Tu es comme un silencieux, ceux qui en parlent moins sont ceux qui ramassent. T'as fait la hagra, faut que tu ralasses. Cache bébé, la vie te frappe à crédit. Pendant que j'y pense, je connais peu de rappeurs crédits. 2014, c'est mon année, 2014, c'est Chantou Lévy. Tu connais la haine, tu connais Saïd, Psartek. Je m'en bats les reins de ta vie. Ici, y'a pas de touristes, juste des balles qui se promènent, des slags qui se grattent les veines. Fais poteau en promenade, grosse peine. Des gosses qui se perdent. C'est la haine, c'est du rap, pas du gospel. Je fais des clips qui partent en émeute. J'ai tué le berger, jamais suivi la meute. Plus gangsta, tu meurs ce soir, je suis pas d'humeur. Je partirai soit d'une balle ou d'une fumeur. C'est car à la muerte. Condé, je peux pas faire du bif qu'avoir un gros casier. 26 piges, pas un corps casé. Je recherche pas la plus belle, mais la moins le chier. Tu vois MC qui sont pas taille. Espèce de raclo, t'as même pas gagné une bataille. Comme tout tienne, je suis différent. J'en place une pour les frérots déférés. Stick ça sec, c'est élevé, intransférable. Crois pas que t'es chaud parce que t'as fumé du bédo. T'as goûté au barreau, zétine. Ça fait pas toi un paro, petit. La liberté, c'est qu'une statue. Mon cerveau sature. J'ai quitté le bahut, la galère ça tue, le quartier ça pue. J'mène une vie remplie de ratures. Les vrais héros n'ont pas de médaille. Personne les connaît ici, y'a que des pédales. Prête à tout pour le succès. J'froisse le son, les concurrents. J'suis le plus fort, ils sont au courant. Ces fils d'un témoin, en jurant sur le Coran. J'pète le Neyman, ambitieux comme Neymar. Les chapeaux de roue quand ça démarre. Pourvu que ça s'émarre, il faut du bif, ouais. J'vais pas te faire un schéma. Ouais, c'est la street life, bon le bon le West High. Pour être chaud, pas besoin de rail. Y'a le poteau qui est wanted. Chaud manette, il faut que ça dry. Fonce dans le muron, partout ça boit d'art. Monte en merco sur Paname. Fais compresse, Canada dry. Mes potes sont d'ail. Fais compresse, mes potes sont d'ail. Carte de visite dans les bacs. Chauffer les villes dans la place. Carte de visite, carte de visite. Carte de visite, c'est carte de visite. Carte de visite, tout le monde. Carte de visite, tout le monde. Carte de visite, c'est carte de visite. Carte de visite, c'est carte de visite. Tout le monde. Carte de visite. Carte de visite, ouais. Carte de visite, tout le monde. Carte de visite, carte de visite, j'ai fait du check. Voilà. Aïe, ça fait mal. Si. Chaud à tête. Ok. Chante les vins, c'est tweet les Yvelines. Chante les vins, c'est tweet les Yvelines. Chante les vins, c'est tweet les Yvelines. Chante les vins, c'est tweet les Yvelines. Chante les vins, c'est tweet les Yvelines. Chante les vins, c'est tweet les Yvelines. Chante les vins, c'est tweet les Yvelines. Chante les vins, c'est tweet les Yvelines. Chante les vins, c'est tweet les Yvelines. Chante les vins, c'est tweet les Yvelines. Chante un conseil, traîne pas dans les parages. Un scientifique relève du sang sur le carrelage. Carnage, dérapage, victime, prise d'otage. Déféré, jugé, écroué dans une cage. Carte de visite, carte de visite. Appel alien dans les bacs depuis le 28 avril. Je débite, évite tous les jeux débiles. Exercice de style, j'exorcise les enfants terribles. Défenseur à la John Terry, précis comme la balle qui a buté Kennedy. Maillot bleu, Chelsea, commissaire, insigne, audition, OPJ, expulsion au pays. On t'a dit qu'on vient de la rue, ça se tapait pas, même en garde à vue. Putain, qui aurait cru que ça sonnait cru. On démolit tout, on a rosé dans une rue. Qu'est-ce que tu croyais? Croyais. Qu'est-ce que tu croyais? Aïe. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? C'est tout illicite, carte de visite, chante de l'usine. De l'alien, retweet-moi. Car du bitch, du bruit comme une bécane en plein été. Comme un parfait bien placé, dans une voiture banalisée. Sam business sans mot féca, joue des gamos à l'aïta. Règlement de compte, fais gaffe, le quartier c'est trop denja. Ça passe les casquettes, caillasse-les, y'a du pif, ramasse-le. C'est la semi ou le bracelet, remercie ton baveux. Et monte en l'air ce sale chien qui allait passer aux aveux. Ça c'est le quartier, c'est racaille. Comme un schler, on veut de la maille. On veut tout péter, se parer en Espagne. Dans des gamos, matin Allemagne. Tête à queue avec le bitume. Coup de fusil à bon pour un biture. En pure pantouture. Quand j'en change de morsure, pilon peu de rupture. Commission au gars de bord, quand c'est dur. Entendez-vous. Et le CK. Yeah. Ah, et le CK. Les frères, faites du bruit. J'ai l'air bien sur les mics. Carte de visite. Et le CK. ça que ça se passe. Dédicace à tout le monde. Salut, tous les anciens. Ghetto Youth, mon temps, BDS du 9. Dans la grosse son tertiaire, tu peux allumer ton jeu tout. Elle m'a dit, faut les prendre. Yeah, on repart. Ça fait partie, mon pote. Elle sait qu'à l'heure du zoom. Ghetto Youth, mon temps, rendez-vous. Voilà un gros son tertiaire, tu peux allumer ton jeu tout. La gaine m'a dit, faut les rendre dingue, faut les rendre fous. Donc, obligé de faire du sale et du hardcore, et puis c'est tout. Aïe. Je me dois de mettre des coups. Attends pas que je te doive, si c'est le cas, je vais mettre des coudes. Frérot, augmente les wakas, je suis venu pour en découdre. L'écriture de ton air, donc au final, ça sent la poudre. Je me présente pas, car au final, tu sais qui c'est. 78 chanteloup, on n'a pas le temps de se déguiser. Garde le fond et la forme, vu que l'ennemi est épuisé. Si t'as capté la métaphore, chasse la rime et déguisée. Et je vais voir qui est chaud. J'arrive plus précieux que même quand c'est chaud. Aïe, ouais, c'est chaud, ouais. Dealer. Moi, je place une pour mes frères. Aïe. Qui sont à cachot. R.I.M. arrive en force, ça c'est pour le ghetto. Bra. Pour mes frères des chanteloup. On fait des 400 coups. Et ces fils de pute de cœur nous mettront jamais à genoux. Jamais. On reste debout. On est toujours dans le spell. Depuis petit, moi rien que je mange des gmeules. Allez, vas-y, mon pote, DJ Sonic. Quand on prend le microphone, aujourd'hui on est magique. Je suis avec JP du Jex. On est pas en chien comme des klebs. Représente le bar, j'ai les dingues routiniques si tu veux pas y être. Alors j'arrive avec mon pote, Capitaine Kwasi. Dédicace à tous les mecs qui fument de la CNC. Mia, R.I.M. le Scarla. Me voilà au microphone et je fous le halalala. Et on continue. Quand on prend le microphone, c'est pour les détenus. Et je lâche pas le truc. Lucky Luke, moi je l'encule. Et quand je prends le microphone, jamais je fabule. Je simule pas, normal, je suis un Yowa. Représente le bar, j'ai des dingues ceux qui sont au cap là. Aïe, c'est Capitaine Kwasi. Carte de visite, Abdel Alien, dis la bien. Carte de visite. Mes dédicaces à tous mes frères au placard. Tous les charbonneurs, tous les mecs au placard. C'est tous les sites, carte de visite. Comme le site, ça débite, rien qu'il faut de l'argent. Hey. Quoi que tu fasses, faut que ça ralasse mal. Hey. Quoi que tu fasses, il faut de la caillasse mal. Hey. Quoi que tu fasses, il faut que ça ralasse mal. Hey. Où est ma caillasse? Again, c'est Capitaine Kwasi dans la place arrivée en chaîne. Improvisation avec Holman et l'IM. Dédicace à tous les frères, le man des checkers, tous les charbonneurs, tous ceux qu'on a mis au placard. Ici, c'est tout le site, tous illicites, man. Y'a que des bonhommes dans la place, man. Y'a que des bonhommes dans la place, man. Ici, c'est tous illicites. Capitaine Kwasi, c'est man. Carte de visite, c'est carte de visite, carte de visite, c'est carte de visite, c'est carte de visite, c'est carte de visite, c'est carte de visite, c'est carte de visite, c'est coïncidence, mon rap grandit quand j'y pense. Conséquence, je prends aucune influence, de pense les gosses, insuffisance, peu importe, j'ai mon aisance, le couplet, fais les fans d'un gémissement, l'équipe au complet. Effectivement, je pourrais entourer mon clan, clam instant qui vend le taux défend, j'ai le grand du type qui n'a rien à perdre. Comprends que ma merde, je veux qu'elle perde des portes, grande ouverte, ce soir je laisse une grande dédicace à mon pote sauce Abdel. Alien pour la carte de visite. Chante loulou loulou. Est-ce qu'il y a du monde dans les studios? Maximum de tempo pour la carte de visite. JP du Jex. Tous illicites. Mohamed Vagabond. Seul dans le noir face à ma feuille blanche. Hein? Alcool et chambre sont le fruit de ma nuit blanche. Ils ont les dents, mon périmètre, je suis à des kilomètres. Hein? Mon esprit s'échappe et grimpe en altimètre. Hein? En altitude, souvent en solitaire. Mohamed Vagabond, sorti du droit du désert. Fils immigré sans sous, sans aucune ressource. Souvent un peu sous, j'ai connu la vie ou la bourse. Hein? C'est la course aux euros pour connaître des jours heureux. Des moments chaleureux, sans ça, t'es malheureux. Mohamed Vagabond. La France au milieu d'une sup. Ici, d'une famille nombreuse, tu vois le truc. La daronne au foyer, daronne touche même pas le SMIC. Une famille à charge et le salaire casse pas des briques. Alors on fait appel aux allocations familiales. Comme un mafia, c'est dans la rue que j'ai connu ma filiale. Je galère un peu, tout en cramant des joints de bœufs. C'est sauf qui peut, si tu vois un Renoir ou un Rebeu. Changement des corps dans la capitale, je traîne mon corps. Alhamdoulilah, je m'en sors, fini dormir dehors. J'écris, peaufine mes textes du bout de ma mine. Freestyle radio en session dans la cabine. Je fais des concerts, réponds souvent à la quelle des places ça marche et sonne pour quel support je me place. Je fais du rap, je suis là que pour la gratte. Je prends mon argent comme un joueur de gratte. Rien à foutre du succès, des gros coups de pute. Je fais juste des thunes, donc faut que je fasse des tubes. Mon rap vagabond pour rappeler l'alien. C'est ok. Je suis introverti, j'aime pas trop les fatries. J'intériorise toute ma haine, je suis un effet de matrice. Dans ma matrix, parfois énigmatique. Dis avec ma touche, t'es ma tête sur la prochaine dilmatique. Combatif, actif, quoi qu'il arrive. Mais crois pas que je suis ravi de ce qui se passe sur le parvis. Parti dans un bad trip, je reconnais mes torts. Ma paranoïa quand je me méfie de mes amis. On veut tous faire vivre la mif. Pourtant paradoxalement, une fois que ça part l'argent, c'est dent pour dent. Et devise de slarvie. Faut s'accrocher comme un la mousse allemand ou bien des projets d'arabe salement. Donc d'une 3i, moi j'ai la pneumatique. Carte de visite. Pour le frère. C'est pour les frères qui traînent H24 dans le hall. Quand je prends le microphone, dis-leur bien que j'ai bien plus que la Gaule. Je veux le monopole, je suis là pour tout enculer. Bande de fils de pute, allez pas venir plainter ou couper pointer comme un vieux teur point. Quand je prends le microphone, c'est pour les dealers dans les coins. Je reste anti-tapin, j'ai la bicyclette de papa. Le sapin, je l'ai mis où? Eh ben dans leur trou du cul. Là tu savais pas, mais on est là. C'est pour les bâches et les dingues, ceux qui foutent le hara. Carte de visite arrive à la flaque et chez Carrefour. Représente les bâches et les dingues, PO tous les gosses du Darfour. NIM arrive en force, je squatte le four jour et nuit. Pourquoi? Pour ramasser un petit épi. Y'a trop des yambris qui débarquent. Et moi je brûle tout comme Jeanne d'Arc. Un indique a troué ma barque. Parce qu'il est venu pour cave, quelques refrains. Aujourd'hui je prends le microphone, aujourd'hui je reste frais. Exprès, je viens représenter. Et si tu parles mal, fils de pute, je vais te planter. Parce que c'est violent, ici c'est hardcore. Toujours violent, L.I.M. sous le cheval. Carte de visite, dis-moi qui veut reprendre la suite. Abdel Alien, okay. Explique-leur qu'on est tous chez les chiens. Vendée, Vendetta, je parlais les pétards. J'ai les crocs d'un blédard, Madine d'Arbeda. Quartier Nord, Champlou, on prend tout, on te laisse walou. Mes forces dans de la lutte, promis qu'ils bougent. On la lutte. Mes forces sont bien aiguisées comme le sourire d'un hypocrite. Je fais du bif en tant que crise, vois le game, je mets des coups de cri. Balayette, crossing, comme on dit, je suis coché. Frère, je veux de la boucherie, j'aurais dû devenir boucher. Les rappeurs veulent qu'on les paye, ouais, paye-les comme des tagasses. En ce moment, rien que je monte, comme le prix du tabac. Normal que je les agace. Salut les traîtres à coups de batte de baseball. Quand ça tire, c'est pour de vrai, c'est pas open ball. La vengeance est gratuite, c'est un open bar. Je veux te barrer, puis me barrer. Laisse les nerfs à la gaspille. Abdelalien, merci beaucoup, sont surpris, je suis reparti. Chez qui je remercie, MC, reste assis, apprécie la démonstration. Tu pourras te vanter de pas perdu la raison. Et ça recommence, les sens se commandent comme un retournement de situation. Premier LP que du bon, t'en as pas entendu parler, mais vas-y, mets-toi à la page. Des précurseurs avec quelques cursus qui tient la baraque. Oh, t'es depuis que j'ai débuté mon rap, c'est moi, numéro 12, j'ai pas la gueule pour que je m'en tape. J'ai la patate, le mic, c'est pas la taille, je suis petit, j'agace quand je déballe. C'est pour ça, je lâche une dédicace à mon sauce Abdelalien pour sa carte de visite. C'est qu'on n'est pas des chiennes, au microphone on te baise. Vas-y, j'y fais du check, enchaîne avant que je te tweet. Garde la prod, Sony. C'est pour le projet du frérot Abdelalien. Déjà dans les parcs, frérot, faut le pécho. Ça va chercher. Dealer, va chercher. Écriture bionique. On est venu kicker la chronique, faire les gros titres, pas les gros titres. J'ai le flow kick, donc négro, je kick. Sale, comme un big gang, bang, on charcute comme le poulet à tang. Un coup, une jib et ma bombe. Comme d'hab, sur une prod, je bande. Laisse-moi, je suis ça ou de one, et ma voix dessine en de grand. Fais-moi une instru, c'était cool, un rythme vocal avec. Je veux gagner le match et pas le 7-8, man, c'est man avec. Triple, tu sais qu'on en fait beaucoup, tu veux louer le flow, donc c'est normal qu'on te tape beaucoup. Ben ouais, t'inquiète les faux, on les met d'accord. Si mon corps est un flou, ben son cœur, c'est les métaphores. Des fois ton pilili, des fois j'en ai des milliers. C'est l'UCK avec le projet Abdelalien, des types à L.I.M. Aloué, Gali, à tous les refrains. Représente la TC, Shanghai. Abdelalien, j'ai cultivé, donc je prépare ma genèse. Ouais, DJ Sony. C'était garde la session live. C'était la session live physique, à l'instant. Frérot. C'est du lourd. Session live dans la nocturne. Merci Abdelalien. Merci à toi Fred. Cette nocturne. Merci aux invités. Il y avait donc L.I.M. JP du Tiex. Merci Fredo. JP voilà, JPLS du 9. Capitaine Kwasi. Carar Brolic. LUCK. Jafar. Moi le vagabond. Jafar mon gars. Voilà. Et n'oubliez pas, sauvez JP du Tiex. En fait là, c'est juste un petit truc à rajouter s'il te plaît. Attends, juste vas-y, on va vas-y. Faire un petit truc. Il a quelque chose à dire, je pense. Voilà, je voulais... Et comme ça, on terminera là-dessus. Ok. On veut terminer en beauté. On veut tourner en beauté, frère. On veut terminer en beauté. On termine en beauté avec Captain Alien maintenant dans la nocturne. Remets la prod. Tous vos messages qui arrivent aussi. Dédicace à vous, gros. Voilà, il nous voulait. Un gros salam à mon dernier mot. Et paix à plus, au revoir à tout le monde. Hein, carte de visite. Carte de visite dans les bacs. Allez le chercher. À tous mes frères, sans tous les vins, 7, 8, tous les quartiers de France. J'ai les crocs, souffle les chicots. On veut se barrer à Mexico. Marre du quartier et de la routine. Hagla comme Poutine. Faut que ça pète jusqu'à Brooklyn. Au lieu de tirer sur un rêve, tire sur un. Eh petit, allez en course. Et mes carasser des queues ou allez vendre des queues. Fais belle et ce qu'on dit. Quand j'y repense ici, on est tous en condi. Je me mélange pas toutes ces merdes. Je fais mes bras, je me démerde. Tu sauras qui est qui quand tu seras. Jamais vraiment dans la merde. Je représente le 7-8 quand mille se doit. Je n'invente pas de vie et ça les vrais le voir. Mon frère m'a dit arrête de parler de coquettite. Fais ta prière quand tu penses qu'à faire du chiffre. Dans le quartier y'a trop de haineux. Ils attendent ma chute. C'est tous des fils de. À part ça, je suis en pleine forme comme Ronaldo et balle. Tes coupes pèsent en balle. L'index ça arrive en balle. Tu peux me croiser au studio ou en bas de chez Wam avec deux gars chez Wam ou deux trois gars chez Wam. Je mets des baffes dans tes enceintes. Je vais aller mettre en son. J'ai baigné dans son. Pas comme tous ces bouffons. C'est sors le dos carré. Qu'on veut, c'est le PNF. Qui veut test qui veut que je l'enferme. Perpète à Bordeaux ou à Nanterre. Tu parles mal comme un export. On importe, on exporte. On braque, on casse les portes. Trêve de plaisanterie, il me faut du rallye ici. Tout de suite et ici, de l'argent ici. Sans tous les vins, tu connais la ville, on n'est pas de ceux qui se défilent. Laisse que faire des films, on va casser pour de vrai. Tu marches sur un fil, à faux pas, tu te fais allumer comme un sanglier. T'as plus d'équipe, tu traînes celle comme un pointeur. 7-8 grosses pointures. Carte de visite, carte de visite, carte de visite, c'est carte de visite. Carte de visite, c'est carte de visite, carte de visite, c'est carte de visite. Sur Skyrock, allez la lienne dans les packs, allez chercher. Paix à plus, merci. Merci à toi, Abdelalien. Merci à toi, Abdelalien. Carte de visite est dans les packs. On peut commander aussi maintenant en cliquant. Sur iTunes, Deezer, tout ce qui va avec. Et ben merci à vous tous. Merci beaucoup à toi en tout cas, Fred. Et à très vite pour une prochaine nocturne. Dis, s'il te plaît, Fred, s'il te plaît. Dis de ta bouche, tu dis, il faut toujours retweeter. JP du texte. Et ben je l'ai dit même deux fois, il faut toujours retweeter JP du texte. Il faut toujours retweeter JP du texte. T'as vu même pendant après de 1h à 2h. Après quand on va partir, ben aussi il faut que tu le check, hein, faut pas l'oublier. Hein. Allez, même direct. Jusqu'à 2h du matin, hein. Ne l'oublie même, pas. Même jusqu'à 6h quoi, non-stop ce soir. Vas-y Fred, bonne soirée. Merci à vous tous. Merci à vous tous. La nocturne. La nocturne continue sur Skyrock, 100% rap français. 100% rap français. 100% explicite lyrics. Et la nocturne qui continue. On reste dans le 7-8 avec Chabodo, morceau qui est arrivé ce soir. La nocturne 100% rap français. Il y aura aussi l'invité de Planète Rap la semaine prochaine, Dinos Punchlineovic. À écouter. T'es un grand, maintenant tu baisses, va lui niquer sa mère. Frérot, gère ton business au lieu de gérer tes fesses. C'est comme ça à la thèse. Oseille, oseille, oseille, oseille. Tu feras oseille, oseille. Mixer, c'est mon suppleur. Léon, c'est mon chica. Le rap donné par la street. On est levé comme des sauvages. Le rap est plaqué sur vrai. Le mien, 100% trapique. Business, rap, shit. Problème, Renoir, illicite. J'fais plus la bagarre. Tire dans le tag, je suis plus à petit. Chez nous, y'a PD. C'est vrai, mais faut pas tout mélanger. Mélanger, mélanger. On l'a mis sur le port douche. Mes potes ont 18 filles. Quand les keufs déboulent. Ouais, j'pas boué le derby. Ici, c'est toujours pareil. On est dangereux comme la Crimée. Chabot nique le mélange et vite. Démarre le goubet, fume le bitume. Reste l'heure à la moelle. Chabot d'eau, faut les fumer. J'ai pas ma langue dans ma poche. Je suis très insolent. J'ai à fumer le rap comme si je commençais à pédale. J'suis rodard. J'ai avec le frère, ils se sont tous mal. J'ai pas tendu le feu vert pour commencer à peur. T'es grand, maintenant tu baisses, va lui niquer sa mère. Zéro, gère ton business. Au lieu de gérer tes fesses, c'est comme ça à la thèse. Oseille, oseille, oseille, oseille. Tu feras oseille, oseille. T'es un grand, maintenant tu baisses, va lui niquer sa mère. Frérot, gère ton business. Au lieu de gérer des fesses, c'est comme ça à la thèse. Oseille, oseille, oseille, oseille. Tu feras oseille, oseille. Frollo, allez, gros.

fragile. Tout comme ma patience est fragile. Ça le temps pour sortir un clef. On fait tomber la neige dans la ville. On avance, toi tu replies. Pour un rien, on sort la panoplie. Dans les mains, Alcatel. J'ouvre mes pieds, Zanotti. Par Rami, machine corse. Prénom de mon sang sur le torse. Ferme-la, on parle à faire. Tu baises mal, elle divorce. Tu veux ta pure, je te file de trois contacts. Tu veux des calachettes de trois contacts. Tu veux des buts, je te file de trois contacts. Tu cherches des camarades de trois contacts. J'ai des boîtes à chaussures remplies de bière. J'ai des boîtes à chaussures remplies de bière. J'ai des boîtes à chaussures remplies de bière. Tu veux des quatre jets de trois contacts. Tu me dois une brique, je te dois une balle. Bull, billet, tout est végétal. J'suis à la salle, j'me fais les bras. Je prends vite, elle me dit je t'aime. Qu'est-ce qu'il n'a? J'ai faim, chauffe le maillet. Comme les nourrissons, j'aime les mabellés. Je cherche des moyens, tu cherches des excuses. Tu poses trop de questions, t'es suspect. Tu fais la hnine pas nécessaire. Je les aime avec du caractère. On va séquestrer Luis Castro. Pourquoi Gila, c'est pas titulaire. Tu veux de la pure, je te file de trois contacts. Tu veux des calachettes de trois contacts. Tu veux des buts, je te file de trois contacts. Tu cherches des commerciers de trois contacts. J'ai des boîtes à chaussures remplies de bière. J'ai des boîtes à chaussures remplies de bière. J'ai des boîtes à chaussures remplies de bière. Tu veux des quatre jets de trois contacts. Jamais 203, mamé. Si t'aimes pas, j'en ai rien à foutre. Vu ce que t'aimes comme rap, je peux rien faire pour toi, mon pote. Cette année, je sens qu'on va bien se marrer. Allez, allez, même celle-là, je la mets pas dans l'album. Je m'en bats les couilles. J'ai un gamin. Quartier Nord. Les voyous sont de plus en plus jeunes. Oui, je sais. Mais je peux rien y faire, mon frère. Comme rien ne vaut. Planète Rap. 100% rap français. On débarque tel Michael dans Thriller, zombifié. Même les blondinés vont kiffer. V'là le son qui fait jumper. Capital et province. Oui, Ray, mon capital est trop mince. Alors je reste là, fais ce que tu ne fais pas. Je suis à bord d'une Clio, je m'imagine en Maybach. Seuls les vrais gars font les vraies choses. Mets du crack sur des passes blanches et des pattes sur le réseau. Je repars les pieds devant, tu vas te les prendre dans la gueule. Pédale, c'est mes Air Max qui vont me passer pendant le battle. Le rap c'est décevant, jusqu'à ton c'est décevant. Tu ne peux pas pomper bêtement, même si t'as des talents d'acteur. Tu veux nous voir dépérir, mais à vrai dire c'est que les prémices. On apprécie les bénéfices de pouvoir réfléchir. Je fais pas partie de ces gens qui font blablater. Tu peux pas me mettre dans le même sac, non tu peux pas me flatter. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. À bord de ma Clio, je monte sur mes grands chevaux. Si tu fumes la cigarette, on pousse, on fait les torseaux. On veut nous voir mourir, mais j'aime pas très rapper. Et je vais pas m'étaler pour tes chats pourris. Mon papa, moi, n'est pas un gangster. Je suis dans le droit chemin, donc ça avec Camter. Laisse faire les grands, 75-0 ce qu'un. Quand j'appelle le 15, moi c'est pour blesser les gens. Yo, tu as dit vouloir me cravacher la tête. Si tu mens une fois, on ne te croira plus jamais. J'ai du vécu et des mecs derrière moi qui traînent avec des guns dans des Mercedes noires. Le soir, je marche seul avec mes rêves et espoirs. Je ne fais pas le thug et les vrais respectent ça. Toi, tu racontes de grandes histoires. On s'est vu vendredi soir. Tout ce que tu shootes, c'est des photos devant le miroir, salope. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. J'enculais pas et leur extorsion de fond. Ici les torts sont bombés pour les potes, on fonce. Eh, hey. Hey.